petit smoker de weedas. Aux sales types moqueurs de ruinas. C'est tous les mêmes dans le rejet. Un double face dans le projet. Ils s'accaparent des nuits sans lune. Et puis ils se séparent sur la fortune. Double peine et les mains basses. Son cœur saigne comme un coup de grâce. Coup de grâce ou coup de fesse, on a la mort aux trousses. Double face ou double sexe, on a le sort de tous. Il sera seul dans le rejet. Il sera face à ses projets. Il partira sans la recette. Donc partira sans qu'on le regrette. Il sera seul dans le rejet. Double discours, double peine, double amour et double haine. Double façon de se faire face, c'est la leçon du double face. Vas-y parle en face à face, c'est pas comme se marrer dans la glace. Un double mot à double sens, et dans un sens c'est double face. Double discours, double peine, double amour et double haine. Double façon de se faire face, c'est la leçon du double face. Vas-y parle en face à face, c'est pas comme se marrer dans la glace. Un double mot à double sens, et dans un sens c'est double face. Double phase et faire un double casse pour vaincre la réplique. Appliquer mon blaze, un gros dans la rétine. Outsider, la double peine. Boy, boycotter nos rêves. Dans la rue, y'a pas de gratter, pas le maître, j'suis pas l'élève. Double phase, double scène, j'veux pas être dans la soute. J'veux que ma place soit à la sienne et j'veux pas cracher dans la soupe. Pas de double jeu, je doute un peu qu'un petit verre ne fera mieux qu'une double grâce. Un duo d'asse avec un cœur et de la classe. Des doubles en kit, c'est qui tout double et on déroule un tas de mix qui se risque avec un trouble et qui se trouve entre deux brisques. Je me risque à caresser ma prose, à pas laisser des causes, à balayer ces choses qui s'enrayent ou bien s'imposent. Je ne vais pas m'excuser du regard que toi tu montres, que tu démontres et que tu narres. Je ne vais pas t'accuser du regard que je rencontre, que tu démontres quand tu te marres. Double discours, double peine, double amour et double haine. Double façon de se faire face, c'est la leçon du double face. Vas-y parle en face à face, c'est pas comme se marrer dans la glace. Un double mot, double sens, c'est dans un sens, c'est double face. Double discours, double peine, double amour et double haine. Double façon de se faire face, c'est la leçon du double face. Vas-y parle en face à face, c'est pas comme se marrer dans la glace. Un double mot, double sens, c'est dans un sens, c'est double face. Double discours, double peine, double amour et double haine. Double phase et faire un double casse pour vaincre la réphase. Et faire un double casse pour vaincre l'outsider, la double peine. Boy, boycotter nos rêves. Outsider, la double peine. Boy, boycotter nos rêves. Double phase, double scène, je veux pas être dans la suite. Double phase, double scène, je veux pas être dans la suite. Double jeu, je doute un peu qu'un petit verre ne fera mieux. Pas double jeu, je doute un peu qu'un petit verre ne fera mieux.